Fantastica. Bienvenue à vous tous à cette version abrégée de l'émission intitulée Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une des multiples chroniques réalisées dans le cadre de notre émission radio qui existe depuis 2003. Fantastica est une émission radio diffusée sur le web dans laquelle je m'entretiens pendant plus de 3 heures avec de nombreuses personnes qui nous parlent de diverses passions qui occupent notre quotidien tous les jours. Au cours des années, nous avons amassé plusieurs centaines d'entrevues que nous vous présentons ici de façon individuelle avec des sujets qui passeront du cinéma à la musique, du jeu vidéo au comique et la bande dessinée, sans oublier des univers tels que l'astronomie, la mythologie, l'archéologie, la littérature, le paranormal et bien d'autres sujets. De plus, je vous présenterai également de multiples entrevues que j'ai réalisées avec diverses célébrités de différents milieux. Aujourd'hui, si vous aimez le paranormal et le surnaturel, vous êtes au bon endroit. Andréanne Jutras va nous parler de sa passion pour le tarot, mais également de l'histoire derrière ce jeu de cartes avec lequel on peut prédire son avenir. Tantôt, parlant avec Andréanne du sujet dont on va vous parler dans quelques instants, on a fait une découverte incroyable et je pense que les gens, quand ils vont écouter cette chronique-là, qui vont probablement au début dire « bon, et encore, ils vont en parler d'un sujet superflu, blablabla, blablabla », je pense que vous allez vraiment triper sur la découverte qu'on vient de faire. Andréanne, on va parler du tarot. Exactement. Puis, ce qui est vraiment amusant, c'est qu'en regardant les cartes de tarot, parce qu'on a quelques modèles ici en avant, puis en regardant l'histoire du tarot, tout ça, on s'est rendu compte que le tarot est comme l'ancêtre des paquets de cartes traditionnels pour jouer au poker. Ah oui, tout à fait. Wow! En fait... Qui l'aurait dit? Ah, quand on y réfléchit, c'est logique, mais en effet, c'est spécial. C'est qu'il y a eu une évolution, en fait. C'est... À la base, le jeu de tarot vient du coin, bon, d'Italie. Okay. Vient vraiment de l'Italie en général. Mais avec avec l'évolution, avec les différents contacts avec les peuples, il s'est vraiment séparé en 2 types de paquets de cartes, si je peux dire. OK. Donc, il y avait... Puis là, on parle que là, c'était un jeu de cartes. Ah oh, oui, oui. À la base, le tarot, c'était un jeu de cartes où il y avait des arcades, bon, majeures et mineures. Donc, c'est-à-dire que tu avais les cartes de 1 à 10. Ensuite, tu avais Valet, Roi, Dame, comme aujourd'hui, en mm-hmm. fait. Et tu avais des cartes à tout qui sont l'équivalent des 21 cartes d'arcade majeures aujourd'hui. Dans un jeu de tarot normal. Tu avais, en fait, 2 types de tarot, avec des enseignes. Les enseignes, c'est les types de couleurs qu'il y a dessous, les types de dessins. Tu avais des enseignes latines et ce qui était appelé les enseignes françaises. Je vais commencer par les enseignes. Ils appelaient ça les enseignes françaises, mais en fait, ça apparaît en Allemagne. Étrangement, mm-hmm. mais c'est ça. Pendant le 17e siècle, et ça vient possiblement de différents contacts avec le monde asiatique, en fait. Et c'est les enseignes qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire cœur, carreau, pique et trèfle. Donc, l'ancêtre, tantôt que j'entendais aux gens, c'est l'ancêtre du jeu de cartes, c'est ah, ça, oui, là. Oui, oui, puis tantôt, voyez-vous, on parlait de 1 à 10, le valet, le dame, le roi. Oui, ça revient exactement. C'est juste qu'avec les années, les atouts se sont modifiés. Tu as un jeu de cartes traditionnel avec tout simplement les 2 jokers mm-hmm. qui, en fait, pourraient même faire penser au fou qu'il y avait dans les jeux de tarot normales. Et il existe encore sur le marché, par contre, des tarots traditionnels qui ne sont pas divinatoires, là, avec les 21 cartes d'atouts, si je pourrais dire. Mais c'est des jeux de cartes normales, là, avec ça en plus pour certains types de jeux de cartes. Tu disais tantôt que ça avait ça venait de la France ou de l'Allemagne, oui. mais avec une touche qui venait de l'Asie. Exactement. Dans la dernière chronique qu'on avait faite dans le paranormal, on avait parlé du Ouija. Oui. Le Ouija, c'était à peu près dans la même période, je pense, dans le 17e siècle oui. qu'on avait fait. Oui, les... tout à fait. Et il y avait aussi un lien avec tout ce qui est asiatique. En fait, c'est que tout ce qui vient de là, que ce soit Chine ou Japon, pour eux, le monde... de la divination, le monde des esprits, ça fait partie de leur quotidien. C'est dans leur tradition, c'est dans leur culture. Exactement. Donc, puis encore aujourd'hui, c'est comme ça. Ah oui, c'est pour ça que beaucoup de choses divinatoires, entre parenthèses, là, viennent de là. Parce que pour eux, c'est pas quelque chose de méchant, de négatif, c'est juste, ça fait partie de leur quotidien, c'est leur moyen de communication, comme nous, le téléphone peut être utilisé, qui d'ailleurs... Quand tu vois ça aujourd'hui, un téléphone, ça peut être quelque chose d'assez spécial. Tu parles à une boîte qui n'a pas de fil, puis quelqu'un d'autre t'entend. Et même si on parlait à Steven Spielberg, il nous parlerait probablement du téléphone et de l'au-delà, comme dans Poltergeist 2. Exactement. Voilà, n'est-ce pas? Pour eux, c'était quelque chose de commun, tout à fait. Et tu as les enseignes latines qui sont en fait ce de quoi le tarot divinatoire est issu. C'est-à-dire que les quatre enseignes, au lieu d'être cœur, carreau, pique et trèfle, c'est bâton, coupe, denier et épée. Denier, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça représente une pièce de monnaie en or. Mais certains jeux, au lieu d'être un denier, ça peut être des pentacles, ça peut être... C'est un signe à l'intérieur d'un rond, en fait, tout simplement. Juste pour qu'on comprenne, je reviens un petit peu en arrière, tu as parlé de tarot divinatoire. Oui. Tarot divinatoire, c'est un tarot pour voir l'avenir. Oui. Mais à l'origine, c'était pas fait pour ça. Non, c'était un jeu de cartes encore traditionnel. D'ailleurs, certaines personnes ont dit que l'origine était égyptienne, qu'il y aurait retrouvé dans certains papyrus ou dans certaines illustrations des Égyptiens qui tenaient comme des cartes et qui utiliseraient quelque chose de semblable à ça. L'origine exacte de où est-ce que ça remonte? On le sait pas. C'est obscur. C'est flou, c'est ça. Ça peut venir de plusieurs endroits, autant asiatique, peut-être, égyptienne, que ça peut venir d'un petit peu partout. Mais c'est vraiment à partir, les enseignes latines, c'est à partir du 15e siècle, dans le nord de l'Italie, que le tarot, comme on le connaît aujourd'hui, est né, je dirais. Ou est-ce que là, c'est les cartes roi, dame, cavalier, de 1 à 10, plus les arcanes majeurs qui sont... différents atouts, 21, je pense qu'il y a 21 atouts, dont le fou. Et à partir de ça, qui est à la base un jeu de cartes normal, à un moment donné, il y a un homme, je cherche son nom, en fait, c'est dans les années 1500 qui s'est mis à utiliser les cartes à jouer comme moyen divinatoire. Okay. Un médium, en fait, qui utilisait ça. Est-ce que tu sais, avant que ça devienne quelque chose... pour parler, pas pour parler aux esprits parce qu'on rectifie, là, c'est pas fait pour ça. Non. Pour lire l'avenir, le jeu de cartes, c'était quoi exactement le but? C'est un peu comme un jeu de cartes aujourd'hui. Là, quand on joue au 500 ou des choses comme ça, ou au... je cherche le nom, là. Genre à la patience? Ouais, genre les jeux de cartes traditionnels, quoi, c'est juste qu'il y avait plus d'atouts avec... Okay. Il y avait certains types de... C'est comme un peu quand on joue justement au 500, tu as une couleur d'atouts, mais il existait une suite d'atouts. OK, je comprends. Tout simplement. Et donc, on a dit que c'était en 1500... Oui, dans ces années-là, en Italie, que ça... ça tourne un petit peu Et au ce qu'on naturel. Appelle le tarot de Marseille, en fait, c'est ça. Oui. C'est le tarot divinatoire, qui est devenu divinatoire. Puis c'est vraiment issu, en fait, là, d'un type de graphie particulière qui, avec le temps, a évolué. D'ailleurs, on ne retrouve pas deux jeux de tarot identiques non. aujourd'hui. Je pourrais vous dire qu'à la maison, moi, je lis pas le tarot, puis c'est pas l'objectif, mais chez moi, je dois avoir à peu près une vingtaine de tarots différents, juste pour les illustrations. J'en ai une qui est faite, c'est Royo qui l'a faite. Plein des grands noms, des grands artistes qui ont fait des illustrations pour des tarots. Mais c'est la beauté de l'image, finalement, qui fait mon charme au niveau de la collection d'un tarot, là. Oh oui, oui, oui. Puis il y en a qui sont tellement bien décorés. J'en ai un en passant, un tarot de Marseille avec les images originales. C'est assez impressionnant, là. Oui. On parle du plus ancien jeu de tarot conservé aujourd'hui. C'est un tarot de 1557. Wow. Donc ça, c'est vraiment le plus vieux jeu de tarot qui existe. Là, quand on dit, là, c'est vraiment... Physiquement, il date de ces années-là. Oui, puis il est encore en bonne condition. Oui, c'est Catherine Geoffroy. Et c'est à Lyon, en fait, qui était conservé. Ensuite, il y a eu des évolutions. Là, je rentre plus dans le tarot divinatoire que dans les cartes à jouer. Mm-hmm. Au 17e siècle, il existait trois types de jeux de tarot. Ça venait tous de Paris, qui portent des noms différents... qui a été utilisé par différents rois, peu importe. Et avec le temps, à un moment donné, la popularité s'est mise à décliner parce que c'était carte à jouer qui utilisait, oui, un petit peu comme divination, mais pas plus que ça. L'Église doit avoir un rapport là-dedans aussi. Toujours. Hmm. Toujours. D'ailleurs, au Moyen Âge, l'Église a brûlé tous les jeux de tarot qu'ils pouvaient trouver, juste parce qu'il y avait une tendance à vouloir aller vers la divination. Dès qu'il y avait du surnaturel, automatiquement, c'était démoniaque. Ah, c'est exactement. Sorcellerie, sorcière. Oui. Ça a été, en fait, il disait de la fin du 16e siècle, depuis la fin du 16e siècle jusqu'au 19e siècle, ça a chuté la popularité. Vraiment, toujours. Ça a été vraiment vers le 19e siècle. Excusez, je cherchais ma date. Vers le 19e siècle, que là, il y a eu une espèce de petit regain. C'est l'écart qui, le monsieur, et qui a fait une compagnie qui a été rachetée par Grimaud. Qui a été connu à une certaine époque, qui a utilisé le tarot, et lui appelait ça le tarot italien. Bon, c'est un peu la même histoire que pour le Ouija, si vous voulez aller écouter la chronique. C'est-à-dire qu'il y a eu des commercialisations, ça n'a pas bien fonctionné, puis à un moment donné, le spiritisme est embarqué dans ça, des médiums l'ont utilisé, puis là, ça s'est mis à redevenir populaire. Fou. Exactement. Donc, c'est toujours un peu la même façon de fonctionner. C'est, tu poses une question, c'est pour te connaître toi autant que pour connaître ton avenir. Comparativement à ce qu'on pense, ce n'est pas juste l'avenir. Ça peut te montrer, t'expliquer ton passé pour que tu comprennes ton présent, pour t'aligner vers un avenir mieux. OK. Je dirais. Ça fait un petit peu partie des différentes idées reçues du tarot. J'avais trouvé une petite liste que je trouvais le fun à parler, qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas le tarot, qu'on en fasse ou qu'on n'en fasse pas, c'est des choses qu'on entend souvent parler. Exemple, quand on tire aux cartes, c'est de la magie, ce n'est que de l'imaginaire, c'est magique qui se tourne, c'est de la cartomancie, c'est pas ça. En fait, c'est pas ça. Ceux qui pratiquent le tirage de cartes, c'est tout simplement une symbolique, c'est que tu analyses le symbole des cartes pour en arriver à mieux comprendre qu'est-ce que tu vis présentement. Il n'y a pas de magie dans ça. Ensuite, pour réaliser un bon tirage de cartes, il faut un rituel précis. Là. Il faut que tu t'assoies, qu'il fasse noir, que ton paquet de cartes soit dans une pochette noire, puis telle personne n'a pas le droit d'y toucher, telle personne a le droit d'y toucher. En fait, non, il n'y a rien qui est obligatoire. Il y en a qui laissent traîner leurs cartes justement pour que tout le monde y touche, pour que tout le monde le voit, pour que les gens mettent leur énergie à l'intérieur. Puis il y en a d'autres, si on ne les touche pas, c'est barré à clé dans le noir. Moi, j'avais ma première expérience avec le tarot de Manitou, 1980, avec Tony Curtis. Tony Curtis fait un médium, mais c'est un... comment on appelle ça? C'est pas un bandit, là, mais il n'a aucun pouvoir. Il fait juste ça pour ramasser le cash des vieilles madames qui viennent le voir. Là. Oh, oui. Et ce qu'il faisait avec son tarot, c'est qu'il mettait le tarot comme ça, puis il dit « vous y touchez », puis la madame a donné un petit coup dessus. Puis là, il coupait en deux, puis là, après ça, il tirait, puis là, il voyait la bonne amende. Il y en a plein que c'est ce genre-là. Ouais. C'est le médium ou celui qui analyse les cartes, qui brasse, puis il fait couper par l'autre, puis ça arrête là. Exact. Ou au contraire, il y en a qui disent « non, brasser, il faut que ce soit dans l'ordre que votre... vous-même, vous les mettiez, même si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, même si vous pouvez même les regarder, les mettre dans l'ordre que vous voulez. C'est vraiment chaque personne a son rituel un petit peu. Ensuite, le tirage de cartes résulte d'une connexion avec le divin. Vraiment pas. Dans le fond, c'est juste la capacité que les gens ont à analyser les symboles qui sont dessus. Avec, bon, c'est sûr que c'est des listes de, qui t'expliquent telle chose, veut dire telle chose, mais c'est la personne qui est capable de bien faire les jonctions entre chacune des symboles, en fait. Là. Je me permets une réflexion. Oh oui, vas-y. OK. Je considère que ça, c'est ce qui permet aux gens d'être des bons psychologues. Tout à fait. Oui. Parce que, en réalité, ça ne va pas nécessairement te dire l'avenir, non. Mais tu vas adapter à ce que toi, tu vis, le signe que tu vois sur la carte. Et donc, tu vas t'auto-psychanalyser rapidement avec l'aide d'une illustration. Tout à fait. C'est très, très, très... Tant qu'à moi, c'est très, très, très psychologique, là, comme tu dis. Puis, si... Admettons que moi, je tire aux cartes quelqu'un que je connais. En plus, je sais qu'est-ce que la personne vit généralement. Mm-hmm. Donc, c'est pas que je vais diriger la lecture vers ce que la personne veut entendre. Mais des fois, c'est juste parler de certains thèmes qui vont la faire réfléchir. Exact. Donc, c'est comme une autre idée reçue. Le tarot est dangereux. Il n'y a rien de dangereux dans des cartes, là. Je m'excuse, là. Non, puis comme je disais, j'en ai une vingtaine à la maison, puis j'ai pas encore de mauvais esprit. Il y a personne qui t'a attaqué, personne... Non, pas encore. Le tarot ne donne que des informations sur votre avenir. En fait, non, du tout. Ça, au contraire, ça te fait réfléchir sur ton passé, sur ce qui a influencé ce que tu vis présentement pour essayer de t'aider dans l'avenir à prendre une bonne direction. En fait, c'est plutôt une façon de te guider vers une solution que dans l'avenir, il va t'arriver ça. Dans 15 jours, tu vas avoir un accident de voiture. Là. Non. Mais il y en a beaucoup qui croient ça. Oui. Là. Je veux dire qu'ils vont arriver, ils vont faire lire le tarot, il va arriver une catastrophe, papa. Mais Exactement. En réalité, personnellement, je pense que c'est juste la personne qui se la crée elle-même, la catastrophe, parce qu'elle est convaincue qu'il va en avoir une. Oui. Puis à un moment donné, ça peut être aussi niaiseux que attribue quelque chose. Ah, c'était ça la catastrophe qui m'avait parlé. Dans une journée, là, au nombre de fois que vous allez vous enfarger dans quelque chose, là, je pourrais vous dire, vous allez avoir un accident. C'est sûr que dans les 24 heures qui suivent, vous allez en avoir un. C'est clair. Justement, la prochaine idée conçue, les cartes disent quelque chose, alors ça va forcément se produire. Non. Chaque personne est maître de son futur. C'est ça. C'est vraiment... C'est un guide. C'est le mot que je cherchais. Tu sais, puis ça ne sert à rien de faire un tirage pour dire qu'est-ce qui va m'arriver cet après-midi. C'est pas ça. C'est plutôt une façon de te guider pour les prochaines semaines et les prochains mois. Hmm. C'est rarement négatif, là. C'est un peu comme un horoscope, finalement. Selon moi, c'est même mieux. Un horoscope, là, savoir que la maison du chameau est dedans le 8e... Mais je veux dire, l'optique est là pareil, parce qu'un horoscope va dire « Ah, vous allez vivre des aventures, vous allez tomber en amour, blablabla. Oui. » Pas nécessairement dire « Là, là. » Non, c'est pas « Je vais sortir dehors, puis je vais voir la première personne sur le trottoir, puis « Oh, my God! » L'amour ne veut pas... Ça peut être une nouvelle passion, ça peut être tellement plein de choses. C'est quelque chose qui peut se développer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Le tarot, les prochaines années, c'est la même chose. C'est ça, puis c'est pour ça que je dis, pour moi, le lien se fait avec le tarot, parce que le tarot, c'est un peu ça aussi. C'est, mettons que tu dis « Ah, OK, tu vas vivre, mettons, une aventure amoureuse. » OK, c'est pas quand vous allez sortir de là que vous allez à côté, la première personne, c'est la chaîne de trottoir, puis là, c'est elle, cette personne. Non, ça peut... En réalité, c'est juste un guide pour vous dire, surveille autour de toi, parce qu'il y a des possibilités. Certaines personnes disent qu'on ne peut pas se tirer soi-même, d'ailleurs, parce qu'il faut quelqu'un. Non, c'est pas vrai. Tu peux te tirer toi-même. C'est la même chose. Ça va te guider, ça va te donner un indice vers quoi te diriger ou vers quoi penser, une réflexion, en fait. Certaines personnes disent, encore une fois, il ne faut pas tirer les cartes certains jours de la semaine parce que c'est négatif ou si on n'y croit pas, ça ne fonctionne pas. L'histoire là, de certains jours, certaines heures, tu ne peux pas tirer, les énergies ne sont pas bonnes. Souvent, c'est relié au fait que les personnes qui tiraient étaient fatiguées, donc ils cherchaient moins à comprendre les liens entre les cartes, que tu sais, ils donnaient de moins bonnes indications, de moins bonnes pistes de réflexion, en fait. C'est pas tant sur « le lundi, si tu tires les cartes, là, ça va être négatif, puis il va juste arriver des choses mauvaises. » Non. Ça fonctionne pas. Ou encore la fabuleuse de « On va arrêter ça là, je suis pas capable de rien lire aujourd'hui. » Voyons. Ça, souvent, la personne est trop fatiguée à la fin et plus capable. Ou, tu sais, ça n'a comme aucun lien. Puis, l'idée reçue que si on n'y croit pas, ça fonctionne pas. Ça, j'aurais une anecdote personnelle. J'ai déjà fait du tirage de cartes dans l'optique de piste de réflexion et non, je te dis ton avenir. Et puis pour rire, il y avait un de mes amis qui dit, bon, j'y crois pas, là, mais envoie, c'est beau, amuse-toi, fais-le. Puis je l'avais tiré, puis il y avait dans sa vie personnelle des choses qu'il nous avait pas dit, certains obstacles, certaines, en tout cas, ça n'allait pas obligatoirement très bien. Puis quand je l'avais tiré, j'avais dit, ah, c'est bizarre, je vois qu'il y a une coupure qui s'en vient, il faut que tu réfléchisses à comment passer par-dessus et, bon, différents thèmes comme ça. Puis, une fois qu'on avait terminé la lecture, il dit, c'est bizarre, il dit, je vous en avais pas encore parlé, j'étais pas à l'aise avec ce sujet-là, mais bon, telle chose qui est arrivée dans sa vie, là, il nous en a parlé. Puis, juste ça a fait qu'en discutant avec nous, il a trouvé des pistes de solutions, puis il a trouvé que c'est finalement, sa problématique était peut-être pas aussi grosse qu'il voulait. C'est sûr que c'est pas, ça prédit pas l'avenir. Puis tu sais, écoute, moi je suis un gars qui est pas croyant à ce niveau-là. Mm-hmm. Cependant, encore une fois, comme je dis, tu vas tirer quelque chose, la personne va chercher ce qu'elle veut aller chercher. Tout à fait. Fait que t'aurais pu dire la coupure, puis ça aurait pu être n'importe quoi qui aurait pu faire cliquer sur une coupure. Et il manquait juste quelque chose. C'est ça, il manquait peut-être juste un petit quelque chose pour qu'il se décide à affronter un problème. Des fois, ça n'a même aucun lien. Mais c'est juste ça. Puis lui a accroché là-dessus parce que c'est un mot qui est associé avec quelque chose qui se passait là. Mais tu aurais pu lui dire ça, puis ça aurait pu être n'importe quoi. Puis il aurait pu l'associer avec simplement, il a fait une coupure parce qu'il a quitté son travail ou il a fait une coupure parce que, je sais pas moi, il s'est coupé. Ça aurait pu être 52 choses différentes. Ou il a laissé tomber son meilleur ami ou même un ami tout court. Ou à son travail, il s'est chicané avec un adjoint ou un assistant. Mm-hmm. Ou c'est ça. T'sais, c'est pour ça que je dis... Tantôt, je disais, pour moi, je le vois comme une façon de remplacer le psychologue. Tout à fait. Parce que tu t'auto-psychanalyses grâce au père. Oui, tu t'amènes vers une réflexion que ça ne te tentait peut-être pas d'aller, mais que ça t'a permis d'aborder d'une autre façon, puis de voir une autre façon de passer par-dessus. Des fois, il y en a qui, ça leur prend pas... ça leur prend juste un petit coup de pied pour dire, OK, c'est beau. Oui. Puis des fois, c'est juste qu'ils ont besoin parce qu'ils ont envie d'en parler, mais ils n'osent pas parce qu'ils ne veulent pas être tannants. Puis là, à un moment donné, tu leur ouvres la porte puis c'est comme ils sautent dessus. C'est ça, tout à fait. Y avait-tu autre chose à souligner pour le tarot? Non, pas alors, vraiment. Andréane, merci. Ça fait plaisir. Et moi, je continue à dire que je suis totalement renversée par le fait que pendant des années, je pensais que les cartes avec lesquelles on joue au poker ou whatever, c'était bien conventionnel, sans savoir qu'à la base fondamentale, il y avait quelque chose de sorcellerie à travers ça. Donc... Oui, il n'y avait pas tout à fait de sorcellerie à l'époque, par contre, mais ça a une racine drôle. Commune. Oui, mais c'est drôle de voir que quand même notre jeu de cartes traditionnel, pour jouer à la patience, pour jouer à 52 ramasses. Ah oui. Au whist, c'était ce que je cherchais tantôt, le fameux whist, où est-ce que tu as des atouts qui ressemblent aux 500. Ben oui. C'est issu de ça. Mais c'est drôle, pareil, de voir que le tarot est quand même la base fondamentale de ça. Puis jamais, avant de faire cette chronique-là aujourd'hui, jamais j'aurais pensé ça. Andréane, merci. Ah, ça fait plaisir. C'est déjà tout pour cette émission abrégée de Fantastica. Si vous désirez nous suivre, vous pouvez écouter notre programme de 3 heures qui est diffusé une fois ou deux semaines et ce, en vous inscrivant gratuitement à notre page Facebook de Fantastica Radio Web afin de connaître les dates de diffusion des nouvelles émissions. De plus, il vous est possible de vous rendre sur notre site web au www.fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, afin d'obtenir plus d'informations sur cette émission, mais également sur mon podcast Programme Double, dans lequel je vous parle de la création de divers films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à nous rejoindre de nouveau ici même afin d'écouter notre prochaine édition abrégée de Fantastica.